radio. J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer, on tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Salut à toutes et à tous, c'est Gaël, vous écoutez Zik Actu, et cette semaine, la musique qui vous trotte tout au fond, et ben ce sera encore de la chanson française, puisque, comme la semaine dernière donc, puisque ce soir, je suis avec Jean pour un ping-pong musical. Salut Jean. Salut Gaël, salut les auditeurs, j'espère que tout le monde va bien, et nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à nous écouter. Eh ben super, c'est parti donc pour une heure de ping-pong musical, ou presque, parce que Jean a un peu triché, alors c'est peut-être moi qui ai mal expliqué la règle, mais en fait il est arrivé avec une petite playlist toute cuite, toute belle, toute bien rodée, avec plein d'artistes à vous faire découvrir, donc c'est déjà très chouette d'avoir préparé tout ça, merci à toi. Et merci à toi de m'avoir invité, hein. Et du coup, on va s'écarter un peu des règles du ping-pong, mais c'est pas grave, les règles sont faites pour être contournées. Et du coup, tu nous as préparé une petite playlist qu'on va commenter un peu tous les deux au fur et à mesure. Avec quoi tu voudrais qu'on commence cette émission ? Eh bien, on va commencer avec un peu de gaieté. Donc, je vous ai amené un disque de Frédéric Fromet, qui est un humoriste qui passe sur France Inter régulièrement dans une émission entre 17 et 18, les vendredis, qui s'appelle « Si tu écoutes, j'annule tout ». Voilà, déjà on voit un peu le genre. Et il a été produit par les Ogres de Barbac. Donc c'est dire un petit peu la qualité du bonhomme. Donc la première chanson s'appelle « Je suis Bobo ». Si j'ai l'air si futé du type qui fume des pâtes, c'est que j'ai le permis B et je fais de la trottinette. Car si j'aime le chichon, je défends l'oxygène. Faut que tu vois mon balcon, j'ai mis une éolienne. Ouais, on est à Paris, à la pointe de tout. On est des petits génies, la gueule en biais c'est nous. Je connais un bistrot, super sympa t'inquiète. Le café 5 euros, si ça avec une sucrète. Allô maman Bobo, maman, je suis Bobo. J'ai un 16 mètres carrés, pas cher, tu vas pas me croire. C'était ça où j'achetais un château de la Loire. J'aime trop mon quartier parce qu'il est vivant. À minuit, un djembé nous endort doucement. J'suis bouqué, j't'ai pas dit. J'ai une sortie roller, j'ai mon cours de tai chi, un before, un after. Est-ce que j't'ai raconté mon trekking au Népal? Moi qu'on entend râler quand l'ascenseur est en panne. Allô maman Bobo, maman, je suis Bobo. Je suis tout décoiffé, comme tombé de mon lit. C'est hyper étudié, testé en soufflerie. Je suis tout mal fringué et je me trouve super beau. Je vous dis mon secret, j'ai braqué un clodo. Je fais toutes les expos, surtout quand elles sont laides. Je fais mon intello en admirant des merdes. Je mange des produits bio, j'ai acheté une courgette. C'est très bon pour le dos, mais il faut bien la mettre. Allô maman Bobo, maman je suis Bobo. Quand je porte des lunettes, je les choisis carrées, grandes comme des fenêtres. Je suis une baie vitrée, je travaille en freelance dans les vénementiels. C'est du boulot tu penses, préparer des cocktails. Bien sûr je suis de gauche, bien sûr je pousse un cri contre tous les trucs moches comme le prix des sushis. Tiens prends donc une verrine aux algos, au lichen, une petite tartine. Ah non, y'a du gluten. Allô maman Bobo, maman je suis Bobo. Quand on fait des bébés, on leur donne des prénoms pour les punir d'emblée, Gaspard, Jules ou Léon. On leur explique tout comme s'ils étaient grands. La petite graine pas du tout. J'ai niqué ta maman, je pourrais faire mille couplets, mais je vais être à la bourre. Je dois me faire poser une barbe de 3 jours. Puis mon coach personnel m'a quelque peu déçu. Son bilan est formel, je suis un trou du cul. Allô maman Bobo, maman je suis Bobo. Allô maman Bobo, maman je suis Bobo. Maman, je suis Bobo. Et bah ça commence bien. On écoutait donc Frédéric Fromet avec Je suis Bobo, un titre bien provoque. Merci pour cette découverte, je ne connaissais pas. France Inter, donc tu nous disais qu'il passait dans l'émission Si tu écoutes, j'annule tout. C'est lui qui présente ou il est là en tant qu'invité? Non, il est invité les vendredis, simplement. Invité tous les vendredis. Oui, il fait une petite impro. Une chronique. En chanson. Ah, d'accord. Il reprend sur des airs connus. Il improvise sur une chanson, sur l'actualité. C'est assez bien. D'accord, donc Frédéric Fromet. Eh bien, très bien. Eh bien, écoute, je te propose qu'on continue avec Amélie Les Crayons en écoutant la chanson La Maigrelette. La maigrelette promène son squelette, les pieds dans des chaussures idiotes. La maigrichonne, elle serait presque mignonne sous ses lunettes. Elle tient pas droit, la maigrelette. On la touche du doigt, elle pète. Elle s'envolera un jour de tempête. Un jour de tempête. La maigrelette, elle mange que des miettes. L'été, quelques griottes. La maigrichonne voudrait être une matrone, tête de linotte. Elle tient pas droit, la maigrelette. On la touche du doigt, elle pète. Elle s'envolera un jour de tempête. Un jour de tempête. La maigrelette, elle a un cœur plus gros qu'elle, que personne n'accepte de porter sous son aile. La maigrichonne jamais ne se console de trop aimer. Elle tient pas droit, la maigrelette. On la touche du doigt, elle pète. Elle s'envolera un jour de tempête. Un jour de tempête. Elle tient pas droit, disaient les gens. On la touche du doigt, elle se fout. Elle s'envolera un jour de tempête. Maigrelette à la falaise a disparu. Elle a jeté son squelette par-dessus. La maigrichonne a joué les marionnettes. Ça les chiffonne. Elle tient pas droit, disaient les gens. On la touche du doigt, elle se fout. Elle s'envolera un jour de tempête. Un jour de grand vent. Elle tient pas droit, disaient les gens. Du doigt, elle se fout. Elle s'envolera un jour de tempête. Un jour de grand vent. Elle tient pas droit, disent les gens. On la touche du doigt, elle se fout. Elle s'envolera un jour de tempête. Un jour de grand vent. Et voilà, c'était Amélie et ses petits crayons. Donc, on va enchaîner avec un groupe de Roanne que je vous recommande fortement, qui s'appelle Des Petites Nacelles. Et la chanson qu'ils vont interpréter est « Soyons fous ». Je suis le premier à moquer, mais je suis le premier à faire à l'inverse de mes discours, tout est son contraire. Je suis le premier à redire, le premier à rechigner, à crier sur tous les toits, fais pas ci, n'achète pas ça. Mais moi j'ai un espace Renault, car j'ai déjà un marron. Moi j'ai un frigo high-tech, où je peux ranger 6 pastèques. Moi j'ai une Honda 500, que même je peux faire du 200. Moi j'ai un autoradio étanche à l'eau, 3 télé à écran plat, parce qu'il y a 3 chambres chez moi, un PC pour elle et moi. Quand on se Facebook, c'est sympa. Un troisième pour la gamine, bah oui, quand même, c'est plus intime. Une ribambelle de disque dur en cas de coup dur, car comme dit l'autre, si le client est roi, il a le droit d'être le roi des. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. La révolution high-tech nous a-t-elle fait perdre la tête? Moi j'ai mis l'appli iPhone, rien que pour la déconne. Mais j'ai pas encore l'iPad, quoi qu'à crédit c'est peut-être jouable. Moi j'ai un 4x4 bleu gris, depuis depuis que j'habite à Paris. Moi j'ai la clim dans les toilettes. Depuis je me sens mieux dans ma tête. 147 films récents que je regarde pas, j'ai pas le temps. Tous les derniers best-sellers conseillés par ma belle-sœur. Le live intégral de Johnny en Blu-ray au défini. Sur mon bel écran plasma, le Stade de France est chez moi. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. La révolution high-tech nous a-t-elle fait perdre la tête? Moi j'ai ci, moi j'ai ça. Moi j'ai ci, moi j'ai ça. Je suis le premier à moquer, mais je suis le premier à faire, à l'inverse de mes discours, tout est son contraire. Je suis le premier à redire, le premier à rechigner, à crier sur tous les toits, fais pas ci, n'achète pas ça. Mais moi j'ai une assurance vie, avec forfait illimité, pour le jour où vous serez en deuil. Que tout ça tienne dans mon cercueil, jusqu'au bout, faut jusqu'au trognon. Car c'est à moi, jusqu'au bout, faut jusqu'au trognon. Rien qu'à moi, jusqu'au bout. Jusqu'au trognon, car c'est à moi. La la la la la. Jusqu'au trognon, soyons bons jusqu'au bout. Soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons bons jusqu'au bout. Soyons fous jusqu'au trognon. On ne trouvera jamais le temps de faire la révolution. Soyons fous. C'était donc les Petites Nacelles avec Soyons Fous, un titre qui passe régulièrement en fait sur RDB. Mais c'est toujours un plaisir de le réentendre et d'entendre ce groupe de la région stéphanoise, un peu au-dessus de Saint-Etienne, Rouen. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal l'occasion de les croiser de temps en temps. Et donc c'était un duo, c'est vraiment un duo qui est à la tête de ce groupe. Et maintenant, donc ils sont avec un batteur et un bassiste. Tu me disais que tu avais eu l'occasion de les voir sur scène aussi. L'an passé, oui, à Parole et Musique à Saint-Etienne. Oui. Donc c'est récent alors comme. Tout à fait. Et alors, sur scène, c'était comment? Ah, comme toujours. C'est-à-dire? À se taper par terre. Bon, génial. Donc, voilà, les Petites Nacelles. On continue avec un groupe aussi de la région. Je vous en ai déjà parlé, mais là, il y a un petit peu d'actu encore. Ça s'appelle Maccabée et le Zombie Orchestra. Et ils ont sorti un EP de 6 titres qui s'appelle La Chapelle, Cabaret des Enfers. Et en fait, on va écouter donc le dernier titre qui s'appellera La Chapelle. Mais avant, il faut que je vous explique un petit peu le concept. C'est une sorte de documentaire, en fait, sur comment ils montent leur concert, en fait. Et c'est très intéressant. Je crois qu'on peut le trouver librement sur Internet. Faudra vérifier ça. Mais en tous les cas, vous tapez La Chapelle et Mac AB en deux mots et vous tomberez assez facilement là-dessus. On écoute le dernier titre, le titre La Chapelle. Ce soir on va à la chapelle. Ce soir on va à la chapelle. Quand on va à la chapelle, dans l'auto, ose que t'es belle. Ce soir on va à la chapelle. Quand on va à la chapelle, dans l'auto, parce que t'es belle. Ce soir on va à la chapelle. Et quand on danse à la chapelle, quand on danse à la chapelle, quand on danse à la chapelle, sur la piste, parce que t'es belle. Ce soir on danse à la chapelle. Quand on va à la chapelle, mon Dieu qu'est-ce que t'es belle. Quand on danse à la chapelle, mon Dieu qu'est-ce que t'es belle. Ce soir on sort à la chapelle. Et quand on boit à la chapelle, quand on boit à la chapelle, quand on boit à la chapelle, sur le bar, est-ce que t'es belle. Ce soir on boit à la chapelle. Quand on va à la chapelle, dans l'auto, est-ce que t'es belle. On danse à la chapelle, mon Dieu qu'est-ce que t'es belle. On boit à la chapelle, oh qu'est-ce que t'es belle. Ce soir on va à la chapelle. We'll be right back. quand on couche à la chapelle. Ce soir on couche à la chapelle. Quand on couche à la chapelle sur l'autel, lorsque t'es belle. Ce soir on couche à la chapelle. Quand on va à la chapelle, qu'est-ce que t'es belle. On danse à la chapelle, wow, qu'est-ce que t'es belle. On va à la chapelle, on couche à la chapelle. Mon Dieu, qu'est-ce que t'es belle. Quand on super, pour le coup, c'était un Maccabée bien vivant et bien bougeant. Donc, j'espère qu'on le réentendra sur les ondes. Tout à fait. Donc, c'était Maccabée et le Zombie Orchestra. Et donc, ça, c'est le final d'un projet un peu particulier qui mêle un peu plein d'arts, les arts du spectacle, mais aussi donc le cinéma, parce qu'il y a, en fait, ça se présente sous forme d'un diptyque avec un court-métrage, un live, un peu de fiction, un disque vinyle. Enfin, c'est assez compliqué comme projet à expliquer, mais ce que vous venez d'entendre, en tous les cas, c'était du live, en fait. C'était une captation live de ce projet-là. Super. Et du coup, on continue notre petite playlist chansons françaises. Qu'est-ce que tu nous proposes ensuite? Alors, je pense que c'est une artiste que vous avez écoutée la semaine dernière, j'espère avec plaisir, qui s'appelle Clarica. Et toujours dans son nouvel album, une chanson qui s'appelle « Je ne te dirai pas ». J'espère qu'elle va quand même nous le dire. Je ne te dirai pas l'absence. Et cette moitié de moi qui est morte et puis qui danse autour d'un grand feu sans joie. Je ne te dirai pas la peur d'une vie loin de tes bras, le poignard plongé dans le cœur et la lame qui se retire pas. Que je dors en diagonale, à plat ventre dans notre grand lit, pour que mes bras en croix avalent le vide de ton corps enfui. Je ne te le dirai pas, je ne te le dirai pas, non. Parce que j'ai eu tant d'amour que si ça s'arrête aujourd'hui, j'en aurai encore pour le reste de ma vie, pour le reste de ma vie. Je ne te dirai pas le chagrin qui est mon nouveau manteau, qui me gratte et qui m'étreint, qui parfois me tient chaud. Je ne te dirai pas le ciel comme il est beau sur nos toits, qu'il me fait pousser des ailes pour sauter, faire le grand plat, et que je parle avec le chat, que je l'appelle par ton prénom. N'arrivera sur toi qu'après deux petits verres de Chinon. Je ne te le dirai pas, je ne te le dirai pas, non. Parce que j'ai eu tant d'amour aujourd'hui. Moi j'en aurai encore pour le reste de ma vie. Parce que j'ai eu tant de bonheur que si ça s'arrête à jamais, j'aurai de quoi faire battre mon cœur jusqu'à ma mort. Pas l'espoir, l'espoir met souvent les voiles, mais il brille quelque part. Oh ma toute petite étoile. C'était donc Clarica avec le titre Je ne te dirai pas sur l'album De quoi faire battre mon cœur, un album finalement dont on aura pas mal parlé. On aura quand même passé trois titres de Clarica. Et voilà, parce que c'est une artiste qui en vaut vraiment la peine là-dessus. Je suis complètement d'accord avec toi. On continue avec un autre artiste qui s'appelle Humbert Humbert, qui s'accompagne avec sa contrebasse. Ce sera donc du contrebasse-voix. Et on écoute ça tout de suite. Ça s'appelle Sois mort et tais-toi. Je sais pas si ça vous fait ça dans les moments où ça va, quand le melon est bien mûr ou que l'air vous semble pur. Moi j'ai toujours tout au fond comme un donneur de leçons qui murmure des rengaines de politique ou de haine, de nucléaire ou de faim, de guerre ou de pesticides, de l'avenir incertain. C'est le cerveau qui me guide, alors je me fais un joint ou je me sers un whisky. Je prends mon cœur à deux mains, je me lève et je lui dis mais sois mort et tais-toi, que je m'en mette plein la joie, que j'en crève, que je morde encore à l'amour, à la lumière du jour de mes rêves. Quand je me fais une glace, je pense au climat qui se barre. Quand je vois un oiseau qui passe, je pense à la marée noire. Quand j'embrasse mes parents, je crains qu'ils meurent avant moi. Mais devant un bébé de 3 mois, je me dis que c'est moi le suivant. Le cerveau c'est malveillant, mais on ne peut pas faire sans. Alors au lieu de me pendre, quand je ne veux plus l'entendre, je me trace un petit rail, ça le calme pour la nuit, où je m'envoie un bon sky dans la gueule et je lui dis mais sois mort et tais-toi, que je m'en mette plein la joie, que j'en crève, que je morde encore à l'amour, à la lumière du jour de mes rêves. Ça vous le fait aussi, je vous invite à ma fête, c'est ce soir et pour la vie. Des mirages plein la tête, le temps d'inventer ce monde qu'on a sur le bout des doigts, sans militaire ni bombe, ni autorité ni loi, avec nos potes les gitans qui se seraient fait le président, et un peuple antifasciste qui se serait fait les ministres. Ça nous ferait des vacances, on n'aurait plus qu'à en jouir, qu'à se mettre le cerveau où je pense, juste le temps de lui dire mais sois mort et tais-toi, qu'on s'en mette plein la joie, qu'on en crève, qu'on morde encore à l'amour, à la lumière du jour de nos rêves. alors après ce morceau de contrebasse, on va enchaîner sur une autre contrebasse. Pardon, excuse-moi, donc on resitue, c'était Humbert Humbert, voilà. Pour... Tout à fait, Humbert Humbert. C'est quelqu'un que tu as vu en concert aussi ? Tout à fait, ouais. Sur la région lyonnaise, il est lyonnais, donc il passe beaucoup dans les salles, dans les petites salles lyonnaises. D'accord. Et j'ai eu l'occasion de l'apprécier à ce moment-là, ouais. D'accord, Humbert Humbert. Et du coup, on va revenir un peu dans cette logique de ping-pong. Et moi, ce contrebasse chant, ça m'a fait penser à une artiste stéphanoise, cette fois, qui s'appelle Pauline Dupuis, qui fait des reprises de Brassens à la contrebasse, donc seule avec sa contrebasse. Et alors, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, je ne crois pas. Mais par contre, j'ai déjà parlé de l'artiste avec lequel elle est en featuring sur ce titre. C'est Mickaël Wookie. J'en avais parlé notamment sur un ping-pong avec Sullivan. Vous pouvez sûrement retrouver ça sur le net en tapant Zik Actu. Donc c'est Pauline Dupuis à la contrebasse et au chant avec Mickaël Wookie pour une reprise de Brassens qui s'appelle Les amoureux des bancs publics. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se pécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Il se voit déjà doucement, elle couse en lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se pécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se pécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, aimerait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de grands nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. C'était donc le projet Contre Brassens par Pauline Dupuis. Donc une reprise de Brassens. On continue avec quoi, Jean ? Alors, on va continuer avec un petit morceau de Lise Chéral, qui est la petite sœur de la grande Jeanne Chéral. Et sur ce morceau, je vous conseille de bien écouter. Et surtout, si vous êtes en voiture, garez-vous sur le bas-côté, c'est pas très long, mais je voudrais pas être la cause d'un accident. Ah oh oh, ah oh. de grands panneaux blancs nous rappelle qu'il y a un an sur le bord de la route. De grands panneaux blancs nous rappelle qu'il y a un an ici un mort, il avait 18 ans, il aurait voulu vivre. Ici un mort, il avait 18 ans, il aurait voulu vivre. Et puis non, ah oh oh, ah oh, ah oh, ah ah oh, ah oh oh, ah oh, ah oh, ah ah oh, oh, ah oh, ah oh, ah ah oh, ah oh oh, ah oh, ah oh, ah ah oh. Plus loin, un autre panneau blanc nous rappelle qu'il y a moins d'un an. 500 mètres plus loin, un autre panneau blanc nous rappelle qu'il y a moins d'un an. Ici, un mort, il avait 23 ans, il aurait voulu vivre. Ici, un mort, il avait 23 ans, il aurait voulu vivre. Mais il lisait le panneau d'avant. Ah oh oh, ah oh, ah oh, ah ah oh, ah oh oh, ah oh, ah oh, ah ah oh, oh, oh. Ah oh ah oh ah ah oh ah oh oh ah oh ah oh ah ah oh oh ah oh ah oh ah ah oh ah oh oh ah oh ah oh ah ah oh oh ah oh ah oh ah ah oh ah oh oh ah oh ah oh ah ah oh. Et bah c'était Liz Cherel dans un morceau assez court mais assez percussif, les panneaux blancs. Bah écoute, c'est plutôt marrant, ça me fait bien penser quand même à sa grande sœur Jeanne Cherel que j'avais vue aussi en concert, en tous les cas au début de Jeanne Cherel. Après il y a quelque chose peut-être d'un peu plus variété qui s'est installé chez elle qui me plaisait un peu moins. Mais Jeanne Cherel, moi je l'avais vue au tout début de sa carrière quand elle faisait du piano-voix au fameux festival Paroles et Musique dont on parle souvent tous les deux. Voilà, un festival qui a lieu à Saint-Étienne et qui permet de découvrir plein d'artistes. Voilà, moi Jeanne Cherel, j'avais vraiment adoré en tous les cas le piano-voix au tout départ. Et Liz Cherel, ça a l'air d'être pas mal du tout, je m'y pencherai dessus. Merci Jean pour cette découverte. Qu'est-ce que tu nous proposes ensuite ? Ensuite, alors je vous propose un bel artiste que tout le monde devrait connaître à mon avis, qui s'appelle Leprest, Alain Leprest, qui est décédé malheureusement. Et là, la chanson qu'on va passée s'appelle C'est peut-être et elle a été reprise par un collectif. Alors c'est un album qui est de reprise qui s'appelle Chez Leprest et là c'est Mon Côté Punk qui reprend cette chanson. C'est peut-être Mozart, le gosse qui tambourine des deux poings sur le bazar. Des batteries de cuisine, jamais on le saura. L'autocar du collège passe pas par opéra, rappé pour le solfège. C'est peut-être Colette, la gamine penchée qui recompte en cachette le fruit de ses péchés. Jamais on le saura, elle aura avant l'heure un torchon dans les bras pour se torcher le cœur. C'est peut-être Grand Jacques, le petit rire bête qui pousse dans la flaque sa boîte d'allumettes. Jamais on le saura, on le fera maçon, rapper pour Abora, un mur sur l'horizon. Peut-être Van Gogh, le môme qui grave des ailes sur la porte des Gog avec son opium. Jamais on le saura, rapper les tubes de bleu, il fera ses choux gras dans l'épicerie de ses vieux. Peut-être Cerdan, le monde devant l'école qui reprend colle ses dents à coup de lapidole. Jamais on ne saura KO pour ses 20 piges dans le ring de ses draps en serrant son vertige. C'est peut-être Jésus. Vous écoutiez Mon Côté Punk avec une reprise d'une chanson d'Alain Leprest. Ça s'appelait donc C'est Peut-être. Et c'est sur une compilation qui m'a l'air fort intéressante, qui s'appelle donc Chez Leprest, que je vais m'empresser d'écouter dès cette émission finie. Merci Jean, je ne connais pas du tout Alain Leprest en fait. Tu me disais en antenne qu'il était décédé il y a quelques années, autour de 2006, quelque chose comme deux ça. Deux ans, oui, je crois à peu près. Ah, c'est assez récent, hein, donc. Oui. D'accord, donc la compilation est sortie avant son décès, oui, en fait. Oui. D'accord, ça date de 2007. Et du coup, qui s'était en fait suicidé à Entraigues. C'est pas très joyeux comme histoire, mais du coup, bon voilà, c'est quelqu'un qui est finalement lié à la région de par son mariage avec la tante de la nièce de Jean Ferrat. De Jean Ferrat, voilà. Donc, je remets un peu les informations un peu dans le désordre, mais voilà, Alain Leprest en tout cas. Et toujours un peu dans la lignée de la programmation Parole et Musique, j'ai l'impression. On va continuer avec Loïc Lantoine. Tout à fait. Donc le titre qu'on vous propose, c'est Pierrot, un beau titre de Loïc Lantoine. 1, 2, 3, 4. Noir dans ma caboche, les soirs où tout est un peu moche, où même un sourire devient louche, où je brise tout ce que je touche. Avis devant ma vie, et les paupières en parapluie. Y a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire. S'engage, que je tremble autant que j'orage. Quand je recompte mes défauts et les jours où je siffle faux. Quand je me sens suant, sale et seul, avec la gueule de traviole. Y'a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire. Que je tique, que je suis pas traque et pathétique. Quand j'hurle dans un mauvais roman, que je me mens chaque moment. Quand je me sens fiston sans papa, quand ça va pas, frère, ça va pas. Y'a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire. encore un bel artiste que j'adore, qui s'appelle Loïc Lantoine, si vous ne connaissez pas. Je vous invite à vraiment rentrer dans son univers, c'est quelque chose de formidable. Donc, à toi Gaël, pour la suite. Donc oui, Loïc Lantoine, juste pour revenir un peu dessus, on l'a découvert, toi comme moi, il y a à mon avis une bonne dizaine d'années, quelque chose comme ça. Ouais. À l'époque, il était juste en duo avec un contrebassiste, donc contrebasse chant. Et tu disais que la formule avait pas mal évolué et que maintenant, tu l'avais vu il y a pas si longtemps avec un grand orchestre d'une bonne dizaine de musiciens. Donc c'est quelqu'un qui a su un peu renouveler sa formule, j'imagine. Tout à fait. Et donc voilà, un artiste à suivre et soit à découvrir, soit à retrouver. Moi, il faudrait que je le retrouve un peu. Il faudrait que je retrouve un peu tous ces artistes de chansons françaises que j'ai un peu perdu de vue et d'oreille, pour être honnête. Ceux-là, par contre, je les ai pas trop perdus de vue parce qu'ils étaient là il y a pas longtemps. Ça s'appelle Feu Chatterton. On en a parlé, on a écouté un petit titre. On en a parlé la semaine dernière parce qu'ils ont été nominés aux Victoires de la Musique. Là, on va écouter Boeing, donc issu de leur album, parce que finalement, il n'y en a qu'un seul. Ils ont fait un EP, puis maintenant, il y a eu l'album qui est sorti à la fin de l'année dernière, si ma mémoire est bonne. On écoute Feu Chatterton, c'est assez particulier, mais ça peut avoir son charme. Jungle d'azur, de laine, sans rocher pousse ton lichen de laine. Que cache ton immensité? Que cache ton immensité? Bête de tôle, mais lesquelles qui crie quand siffle le nickel au ciel? Ces drôles n'ont plus de densité. Ces drôles n'ont plus de densité. Boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, boïc, boïc, est-ce la faute de tes passagers un déjà? Si tu penses d'azur aux arbres pour passer l'ennui, tant de têtes de tes nuésures, chimères, ce fantôme peuple ta cité, l'en jardin suspendu aux heures du jour, ta forêt de vapeur abrite notre monstre électricité, notre monstre électricité. Boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, boïc, boïc, est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses, boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, boïc, boïc, est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses à gauche, enfin comme un vieil éléphant, à gauche à l'aise, enfin, enfin comme un vieil éléphant. Boing, boing, Est-ce la faute de tes passagers alléjages? Si tu penses, Boeing, Boeing, et tes mouvements sont de majesté, Boeing, Boeing, Boeing, est-ce la faute de tes passagers alléjages? Si tu penses. Donc c'était Feu Chatterton dans leur morceau Boeing dans leur, de leur dernier album. Donc l'album Ici le jour a tout enseveli. Et bah on est dans la, encore dans la programmation de Parole et Musique parce qu'ils seront donc à Parole et Musique à Saint-Étienne dans la semaine du 24, 26, 27 mai, autour de ça quoi. Du 20 au 28 je crois. Du 20 au 28, d'accord, très bien, impeccable, merci pour ces informations. Donc c'était Feu Chatterton qui était aussi nominé donc aux Victoires de la Musique. De même que le prochain groupe, Les Innocents. Avec le titre, là on va écouter le titre J'ai couru que tu nous as sélectionné. Donc c'est bien issu du dernier album, on est bien d'accord? Tout à fait. Et bah c'est parti, alors c'était le meilleur album rock, de l'année 2015 je crois, pour les Victoires de la Musique. Il le mérite. Et bah écoute, c'est parti alors. C'était J'ai couru des Innocents sur ce dernier album, et vraiment un bel album que je vous invite à écouter aussi, et un beau retour. Bon, le disque suivant, c'est pour demain, donc ce sont les Fabulous Troubadours, je ne sais pas si vous connaissez, et les Bombes de Bal qui interprètent ce titre, et le titre c'est Demain, mais en occitan, et j'espère que ça va vous plaire. Duma, duma, duma. Duma, unu cancercam. Duma, tujur, duma. Douma, Douma, Douma. Douma, Kousi, Langanta. Douma, Koutou, Douma. Le soleil promet la lune et la lune le soleil. Et Yalou de la tribune qui disent toujours pareil. Te promets la fortune, perds tes pas qu'à Kukalei. Et te promets la lune, perds ta maga le soleil. Douma, Kantari, Mara. Douma, Douma, Douma. Douma, Unu, Kansirka. Douma, Koutou, Douma. Le topio calva crée le qui disons le futur, ça bouge pas jamais, berre, so qu'il cigare le ségule, et son note sur la rive, toujours te parla d'en basse, per pas la face de la vire, des sons qui faguer un pass. Douma cantari marra, Douma, Douma, Douma, Douma unucan cerca, Douma toujours Douma, Douma canucan crumpa, Douma, Douma, Douma, Douma cousi la ganta, Douma toujours Douma. Douma, Douma, la face à Tunara. Douma, Douma, oh, toujours Douma. Douma, Douma, tu rebiscolara. Douma, Douma, oh, toujours Douma. Douma, Douma, la poulora de dance. Douma, Douma, oh, toujours Douma. Douma, Douma, y serai président. Douma, Douma, oh, toujours Douma. Douma, Douma, parenzo que calfa. Douma, Douma, oh, toujours Douma. Douma, Douma, c'est culture usera. Douma, Douma, oh, toujours Douma. Douma, Douma, ou disons que faran jour. Douma, Douma, oh, toujours Douma. Douma, Douma, pire en basque d'amour. Douma, Douma, oh, toujours Douma. Douma, Douma, la lausette lausara. Douma, Douma, oh, toujours Douma. Douma, Douma, lou la ougiera urara. Douma, Douma, oh, toujours Douma. Douma, Douma, pica rende laimas. Douma, Douma, oh, toujours Douma. Douma, Douma, manja rende duimas. Douma, Douma, oh, toujours Douma. Douma, Douma, et jouer qui sébastis. Douma, Douma, oh, Douma, Douma, oh. Douma, Douma, et jouer qui lugaris. Douma, Douma, oh, Douma, Douma, oh. Douma, Douma, et jouer qui sébastis. Douma, Douma, oh, Douma, Douma, oh. Douma, Douma, et jouer qui lugaris. Douma, Douma, oh, Douma, Douma, oh. Douma, Douma, oh, Douma, Douma, oh. Douma, Douma, oh, Douma, Douma, oh. Douma, Douma, oh, Douma, Douma, oh. Douma, Douma, oh, Douma, Douma, oh. Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma, Douma. C'était les Fabulous Troubadours avec les bombes de balles pour donc un titre en occitan et c'était plutôt chouette. On continue avec un artiste bordelais qui s'appelle Edgar de l'Est et le titre c'est Retrouvailles. Habitué à ton silence, j'ai perdu le chemin des souvenirs, j'ai perdu la mémoire des pays des sourires, et je me demande pourquoi je te retrouve là. Regarde pas où je reste sans voix. J'ai perdu ton absence plus de mille fois. J'avais dû construire tout un grand palais, fait de milliers d'images toutes colorées. Je crois même que dans un coin de ma tête poussaient des palmiers aux têtes penchées, comme tes cils sur mes joues éparpillées. Au fil des années, je n'ai jamais oublié. Je croyais qu'il faudrait tout recommencer. Alors j'avais tout gardé, tout regardé. Et maintenant, j'ai encore tout perdu. J'ai perdu ton absence avec ton élégance. Images. Même si la mémoire nous a trahis et que l'on peut s'attendre à nos portes à midi, elle qui avait tant d'élégance. Maintenant, je me souviens de ton absence. C'est elle qui danse tous les matins, parce que c'est elle qui lance ce refrain, parce que c'est elle qui lance ce refrain. C'était Retrouvailles d'Edgar de l'Est, qui est un artiste un petit peu méconnu, mais qui mériterait d'être un peu plus écouté. Ben écoute, c'était très sympa, parce que du coup, moi, je ne connaissais pas du tout. C'est un, en effet, un, des chouettes artistes donc, du côté de Bordeaux, et qui jouent toujours ou c'est fini ? Je ne pas de nouvelles, mais je pense que ça doit être fini, pour l'instant. D'accord. Ah, écoute, je crois qu'on entend un petit signal sonore qui nous signale que cette émission touche à sa fin. Et bah écoute, il est l'heure pour moi de te remercier pour ta participation. C'était très chouette de te recevoir et du coup d'avoir une petite remise à jour, en tous les cas, de la nouvelle chanson française. Moi, je crois que je perds tout doucement le pied. Donc merci beaucoup. Moi, je te remercie aussi. Je suis très fier d'avoir participé à cette émission et ça me fait beaucoup de plaisir. Je l'écoute régulièrement quand je peux, donc c'est avec un grand plaisir que j'y ai participé. Eh ben merci Jean, et puis du coup si vous voulez vous aussi participer à l'émission, si vous avez de la musique à nous faire découvrir et que vous voulez faire un petit ping-pong musical, voilà, sur une thématique ou pas, hein, finalement il suffit d'un seul morceau pour commencer et puis après on part un peu dans tous les sens et puis on voit ce qui se passe, vous n'hésitez pas à venir toquer à la porte ou plus simplement envoyer un petit message sur la page Facebook de l'émission Zik Actu RDB. Encore merci à toi Jean. Merci Gaël. Et puis à très bientôt, à la semaine prochaine à tous les auditeurs. Salut. Salut.